بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتبعهم يسن اليوم الدين، أما بعد. طيب، أمس أخذنا شيئا ما يتعلق بعشرة الكبرى للساعة. تشبه ستيك الكوزين نعم نعم دابة أيوة دابة سلابت نعم أكبر علامات وأخيرها نعم كل هلال الثلاثي اللي بيخشى. طيب نواصل، نحن الآن في فصل السماعيات. les choses qui ont été rapportées par le texte يعني السنة الصحيحة التي يجب علينا تصديقها. On doit y croire forcément. ثم قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هو أمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسائل المنكر ونكير حق. Donc, qui est la fitna, ou plutôt le châtiment et le délice de la tombe. Ce sont des choses véridiques. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge contre eux. Et il nous a ordonné de le faire dans la salat, à la fin, dans le tashahud, al-akhir. Et la fitna du qabr aussi est une vérité. Et la question posée par Nakir et Nakir, qui sont les deux anges, est une vérité. Donc, farkun beina azab el qabr wa fitna del qabr. Comme on va le citer. Azab el qabr yani thabit bi zahir al Qur'an. Yani certains versets en parlent. Certains sont, il y en a qui est le plus clair, c'est celui qui est dans Allah Azza wa Jal yakul nisbati qawmi nuh qawmi fil'aun an-nar yu'raduna 'alayha uduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhiru alil fil'aun ashad al-'adhab. Que le feu, au début du verset, ils y seront exposés matin et soir. D'accord. Donc après il dit yawma taqumu as-sa'a, au moment où l'heure est déclarée, faites rentrer Pharaon au pire des châtiments et ses gens. Donc cela démontre que le châtiment qui est avant, ce n'est pas celui de l'enfer. C'est un autre châtiment. Adi asrah ayat fi hadha adil mas'ala. Il y a d'autres ayat citées, mais celle-là c'est la plus claire. Et dans la sunna, c'est venu clairement. Et dans kazalik ijma al-sunna. Ijma al-sunna. Par exemple, dans le hadith de Ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marabi kabrayn. فقال إنهما يعذبان وليعذبان في كبير. Que les deux se font châtier. Ils ne se font pas châtier pour grand chose en plus. قال أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله. Il ne se préservait pas de son urine. وما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Et que l'autre colportait la calomnie. Donc il a bien dit qu'ils se faisaient châtier dans leur châtiment, dans leur tombe. وجاء كما ذكر الشيخ في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث البراء بن عازب في قصة فتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي منادي من السماء، quelqu'un appelle depuis les cieux، أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها يفسح له في قبره مدة بصر أو مد بصره. Qu'il y a quelqu'un qui appelle des cieux et qui dirait que mon serviteur a dit vrai. Alors, recouvrez-le du Jannah dans sa tombe. Habillez-le du Jannah. Ouvrez-lui une porte vers le Jannah. C'est dans sa tombe, il voit فهمت مقعده sa place au Jannah. Et il en sent son odeur. Et sa tombe s'élargit à perte de vue. Là où s'arrête sa vue. هذا للمؤمن. وقال في الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وصمومها ويضيق علي قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. Par contre, il sera dit au kafir, pareil, que quelqu'un parlera des cieux et dira que mon serviteur a démenti. Alors recouvre-le de feu. Et ouvre-lui la porte, ouvre-lui une porte au feu. Magnifique kabri, il voit sa passe au feu. Et là, il ressent sa chaleur également. Et ça tombe, se resserre sur lui à tel point que ses côtes s'enchevêtrent les unes dans les autres. وكذلك dans une version que le في النعيم القبر, celui qui munaam dans le قبر, il voit sa place qui lui aurait été réservée au feu si jamais il n'avait pas été muwafaq. كذلك donc il y a ijma que ce azab ou cette naim elle aura lieu pour ceux qui le méritent, même parmi les ensemble des musulmans. Il y a sur l'homme Zali, comme a déjà fait le hadith qu'on a pris auparavant, qu'un un c'est parce qu'il se préservait par son urine, et l'autre il est de la mima. Cependant, le châtiment du mu'min est moindre que celui du kafir, mais la chèque. Et il y a des gens, ils ont refusé ce azab, disant que on a ouvert les tombes, on n'a rien vu. Le col à lâcher, il y a ni umul al-ghaib, des choses de l'invisible, ça ne se voit pas comme ça. D'accord ? Déjà, il y a des adillah du kitab al-sunna. L'ijma des salaf, que azab ou al-ni'am al-qabr thabita. Et les choses de l'au-delà ne sont pas comparables avec celles de ce bas monde. Là, c'est une des choses qui peuvent se passer, hein, que comme Cheikh Othaymin c'est dans notre kutub, l'exemple de celui qui dort. Il dort dans son rêve, il se passe des choses. Et pourtant, il est devant toi dans son lit, tu le vois apaisé. Et dans son rêve, ça se trouve, il a apeuré, il est dans le tourment, il est dans plein de problèmes, qu'il ressent en lui, toi tu ne le vois pas. Donc ça, c'est pas marcoul de dire on a ouvert une tombe, on n'a rien vu. Et la question c'est, est-ce que ce azab, il a lieu sur le nefs ou sur le baden? Est-ce que c'est juste l'âme qui est châtiée ou le corps entier qui est châtié? En fait, ce sont les deux. D'accord? Même si nous on ne le voit pas, ce sont les deux. Mais est-ce qu'on a Richard? Ou à... Fitna tel kabr. La fitna c'est du kabr, c'est la question du kabr. Quand l'ertibar l'oratan, c'est le test, l'épreuve. Et shar'an, c'est souel el meyyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi fayathabita bil kitab wa sunnah. Que c'est la question qu'aura le mort dans sa tombe à propos de son seigneur, de sa religion, de son prophète. Et elle est affirmée par le kitab la sunnah. Qu'à Allah Azza wa Jal, yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Que Allah raffermit ceux qui ont par la bonne parole, la parole ferme. Ou plutôt Allah raffermit ceux qui ont cru. D'accord ? Par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les croyants seront affermis pour répondre comme il se doit à la question. Donc les questionneurs, qui sont-ils? Deux anges. Comme a déjà fait le hadith, « Inna al-abd izi wudiha fi qablihi wa tawalla anu ashabuhu innu l'esma'u kar ni'alihim » Lorsque le abd est mis dans sa tombe et que ses amis s'en vont, ses proches s'en vont, il entend le bruit de leur ni'al qui s'en vont. « Qala yatihi malakan fa yuk'idanihi » C'est eux qui le font asseoir. Donc après, deux anges lui viennent et l'assoient dans sa tombe. Alors muslim. Ismuhuma Munkar wa Nakir. Comme cela est venu dans le hadith de Tirmizi. Sur Abu Huraira. Donc ces deux anges vont interroger tout le monde parmi les mukallafin, hormis le shahid, le martyr. D'accord, le martyr. Lui, il n'aura pas la question. Donc celui qui veut la sabbat فيها هذه الفتنة فعليا يثبت في هذه الدنيا. Il faut être ferme dans ce bas monde et être accroché à sa religion pour pouvoir passer cette épreuve à laquelle personne n'échappera à part Shahid. Car le Shahid, lui, en quelque sorte, ce qu'il a fait sur ce dunya, c'est une preuve de sa sincérité. On parle du Shahid al-Haqiqi, pas du Shahid al-Zahir. D'accord ? Car des fois, tu as des gens, on dit, en la parole, sur le hukm du Shahid, c'est-à-dire, s'il est mort pendant une guerre, on ne le lave pas. D'accord ? On ne le lave pas. Il ne faut pas la salle sur lui. On le met directement. Ça, c'est à la zahir. Peut-être que c'est un mounafiq. Nous, on ne sait pas. Nahkoum à la zahir. Mais le vrai shahid, quand même, lui, dans la tombe, il n'a pas de fitna. Et encore moins l'azab. Thumma qal wal ba'th ba'd al maut haqqun wa zalika hina yanfukhu israfil alayhi salam fi as-sur. قال عز وجل فإذا هم من الأشداث إلى ربهم ينصلون. Donc après c'est la résurrection après la mort, c'est une chose qui est véridique. Et c'est le moment où Israfil, l'ange Israfil, souffle dans la trompe, comme قال عز وجل, dans le sens où il dit et les voilà qui sortent de leur tombe vers leur Seigneur, c'est-à-dire les gens morts. Donc les nafra, le souffle qui est dans la tombe, il y en a deux. Nafratan. Qala ihdahuma nafratul faza yanfukh fihi fayafza'u an-nas wa yas'akuna illa man sha'a Allah. Premier coup de trompe, il sera fait, les gens seront pris d'effroi à tel point qu'ils s'évanouiront, hormis qui Allah aura voulu. Wa thaniya nafratul ba'th yanfakh fihi fayabhathun wa yaqumun min quburihim. Le deuxième, c'est pour que les gens justement sortent de leur tombe. Ils seront suscités et se rendront près de leur Seigneur. Et ça c'est bil kitab wa sunnah wa ijma'. Qala Allah 'azza wa jalla wa nufikha fi sur fas'aqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa yadhum qiyamun yanzurun. Donc, il sera soufflé dans la tombe et tomberont tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, c'est-à-dire même les anges. Hormis ceux à qui Allah aura voulu. Puis, il sera soufflé dedans une deuxième fois et les voilà debout qui regardent. Et après le verset qu'il a cité dans le Matn Kazalik. Wa qala an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma qala رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أسخى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا سعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الذل شكل راوي فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم. هذا حديث كيلو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يسوغ صفة dans la tombe et personne ne l'entendra sans que son cou ne s'incline. Et personne ne restera sans s'évanouir. Ensuite, Allah fera descendre une pluie, ou comme une rosée, par laquelle les corps repousseront des gens. Ensuite, ils seront poussés dans cette tombe une deuxième fois, et les voilà qui seront debout, quand même à attendre. Ou à regarder. Donc cela aura lieu. Wa kull hadhi al-umur takunu tamam ba'd al-maut. Et l'ange qui souffle l'ardeur s'appelle Israfil. S'appelle Israfil. Et le chien dit que c'est parmi les anges qui portent le arche. Israfil min al-mala'ika al-hamilin. Ceux qui portent le arche. Ils sont 8. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحشر الناس يوم القيامة حفاة غراة غرلا بهما فيقومون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Que les gens après seront rassemblés يوم القيامة en étant pieds nus, en étant nus, incirconcis, et diminue toute chose. C'est le mokif de Qiyama. Il sait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse shafa'a pour eux. Donc le hashr, c'est le jam, le rassemblement des gens. Wa shar'an jam al-khala'iq yawm al-qiyamah li-hisabihim wal-qadha' baynahum. Que les gens sont tous rassemblés pour être jugés, et qu'ils sont tranchés entre eux. Et ce ba'th qui est la résurrection, et ce hashr qui est le regroupement, le rassemblement, est une chose qui est thabit, le kitab wa sunnah wa l'ijma'. Qala azza wa jal, قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ dans le verset وَزَعَمَ لَنَا كَفَرُوا أَلَا يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ. Vous voyez que ceux qui ont mécru ont prétendu ne seront point ressuscités. D'ici par ton Seigneur ou par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités. وَقَالَ عَزَ وَجَلْ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَمِكَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Dit: certes, les premiers et les derniers seront rassemblés tous en un seul moment, au jour promis, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a dans le hadith mutafakun alayhi, « Yushalu nasu min al-qiyama ala al-ard bayda hafara ka kirsat niqa leysa fiha alam li ahad » mutafakun alayhi. Donc là, comme il dit que les gens justement seront ressuscités à ce moment-là, ils n'auront rien avec eux. Comme on a dit à Azawajal, tout comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons. Et ils viendront nus, incirconcis, et ne posseront rien du tout. Comme ils sont sortis du ventre de leur mère, sauf qu'ils étaient bébés, là, ils apprendront leur Seigneur. Et même dans un hadith, il est venu qu'Aïcha dira, du fait qu'il soit nu, il y a une zolo barduna et le bard. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'amr achak ou achad alayhi min zalika. Il y a une zolo barduna et le bard. Et la chose sera si terrible qu'ils ne se préoccuperont pas de regarder les uns les autres. Dans leur nudité. Ils seront vraiment, ils auront autre chose en tête à ce moment-là. Tellement ce sera un jour terrible. Donc là, quand il sait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse la shafa'a. Qala yashfa'u nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam fi man dakhala an-nar wa min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujuna bi shafa'atihi ba'da ma ihtaraku wa saru fahman wa humaman. Donc là, il fait allusion à la shafa'a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait shafa'a pour ceux qui entreront au feu parmi les gens de sa communauté, parmi les gens des kaba'ir, qu'ils en sortent par sa shafa'a, après qu'ils étaient brûlés, calcinés dans le feu, et entreront au jannah par sa shafa'a. وقد ذكرنا هذا في القواعد الأربعة وتكلمنا في ذلك également dans تطهير الاعتقاد. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa shafa'a qui est khassa, et celle où tous les gens se tourneront vers les anbiya pour qu'ils les intercèdent auprès d'Allah, pour qu'ils minimisent de l'affection de ce jour-là. Et chacun diront nafsi, nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Nuh en premier, qui les renverra vers Ibrahim, qui lui les renverra vers Moussa, qui lui les renverra vers Isa, qui lui les renverra vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui lui l'acceptera, cette shafa'a. Ça, c'est celle qui est khas pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Dans le hadith, c'est venu que inna likul nabi yani da'wa fa inni khabaytuha li yawm al-qiyama shafa'atan li ummati. Que chaque messager a un doa qui lui mustajab, akid. D'accord ? Il a dit: moi, j'ai gardé la mienne comme shafa'a pour ma communauté, yawm al-qiyama. حديث متفق عليه. Et cette shafa'a il y a celle qui est rose qui est que pour lui comme celle-ci et celle qui est âme qui est également pour d'autres anbiya, pour les malaïka et pour les salihin comme on va lire vite fait après. Et cette shafa'a a été reniée par les khawarij et par les mu'tazila qui eux qui voient que sahib al-kabair finnar khalidan, il n'y a pas de shafa'a pour lui. Et la shafa'a elle qui est amma, c'est le fait de sortir du feu des gens, des kabaïrs, pour les faire entrer au Jannah. Ou pour permettre à des gens qui devaient rentrer au feu de ne pas y rentrer pour entrer au Jannah. Kazalik. Ou certains qui sont enlevés en degré au Jannah. Kazalik. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى ليشفعون إلى من ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. Donc il y a également pour tous les autres anbiya et les autres croyants ainsi que les malaïka des shafa'at, des intercessions comme on parle à Azawajal dans le sens où il dit et qui n'intercéderont que pour celui qui l'aura agréé, c'est-à-dire Allah, et eux ils auront peur de lui. Et la shafa'a pour un kafir ne sert à rien du tout. Donc là, ça rentre dans quoi? La shafa'a, t'en as deux. T'as la mensia al-muthbata. D'accord? Celle que Allah il a refusée et celle qu'il a acceptée. Et celle qu'il a acceptée, même ni la shartain. T'as ce qu'on a? Al-idhm al-ridha, naam. Que Allah l'autorise et qu'elle soit acceptée, c'est-à-dire pour le shafi ou le mashfu'a. Et le shafi, ça peut être qu'un muwahid qui fait une shafa'a pour un autre muwahid. Même pour un mushrik, ma yukbal. أما ما يتعلق بعم النبي صلى الله عليه وسلم بطالب son oncle c'était خاص pour lui, c'était un tarfif, c'est tout du azab et ce n'est pas une shafa'a pour qu'il entre au Jannah. Il est mort mushrik, le mushrik n'entrera pas au Jannah abadan comme a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة